Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans. Au pub, Brouhaha, 5860 Avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Écoutez 70%. Vous écoutez 70%. Le podcast de ce bien, mais pas trop souvent. Quand vous êtes à 70%, vous en faites bien plus que 100%. Vous branlez bien et buvez de la bière dans les piscines publiques. Salut, bonsoir, c'est 70% avec le chroniqueur ce soir, Patrick Raymond, Joe Simon, Florence Payette, Octave Essel, Laurent Lassalle, Mathieu Boudreau, aux nouvelles, l'incroyable Bruno Corbin et votre animateur, l'incroyable Tommy Godet. 70%. Excellente nouvelle itération de notre Toontem, mon cher Simon Cussonnet. Il y avait une Toontem? Ben, en tout cas, ça, là, ce que tu viens de nous faire vivre, c'était très apprécié. C'est une version punk, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Oui, j'aime ça, moi, les cover punk. Je trouve que c'est toujours pertinent. Est-ce qu'il peut en avoir trop? Non, je pense pas. Et voilà, punk, c'est ska, dit. Genre, comme, c'est les deux genres musicaux. Puis, grosse semaine, général. Bruno? Ouais, ben, c'est ça, là, mon cadran pas sonné, fait que, tu sais... Là, il est 6 heures. Non, je parle toute la semaine, mon cadran n'a pas sonné. Ben, c'est un choix. Je me suis pas réveillé. OK. C'est ça. Toute la semaine. T'as été cryogénisé. C'est ça. OK, c'est bon. C'est pas ta bouche, c'est une plaie de lit. Sacré Bruno. Moi, de mon bord, en fait, j'ai vraiment réalisé que la chicane, ça va faire bientôt 20 ans qu'ils ont fait la misère en calvaire, le ressentiment dans le sang, la rage dans la cage. Retiens-moi. Je me dévore le corps. C'est ça. Oui. Par-delà les plaines de l'épiturie et le mont du Morgor, à côté de la machine à café. je l'ai tellement eu dans la tête. Mais bon, hein, ça passe vite. On était quand même assez heureux. On a eu un beau samedi aussi avec Andrew Leavold qui est venu nous présenter des clips de Wang Wang. Ça a été de toute beauté, une soirée en entier au plus petit des numéros 1 du cinéma mondial. Quelque chose de fabuleux. On va sûrement en parler avec nos invités. C'est sûr qu'ils adorent Wang Wang, eux aussi. On a Phil et Étienne de Cyrion. On peut les applaudir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Là, ce qu'il faut comprendre en partant, on met ce carte sur table, là. Vous jouez pas à Magic, ni l'un ni l'autre. J'ai une surprise pour toi, Tommy. J'ai amené ma carte préférée. Parce qu'Étienne a déjà joué à Magic. En tout cas, je ferai pas mon difficile. Là, mais j'ai amené ma carte préférée. On t'apporte des affaires. T'as amené un calepin plein de Wall of Wood? Fait que ma carte préférée, là, c'est l'ange de platine. Ah, oh, fucker, ben oui. Est-ce que tu peux me lire un peu son effet? Ben oui, you can't lose the game and your opponent can't win the game. Ben c'est ça. Ça veut dire que lui, tant qu'il est en jeu, tu peux pas perdre. C'est ma carte préférée. J'ai jamais perdu quand il était sous le jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu peux. Ben, ça veut dire que ton adversaire, avant de te tuer toi, il va falloir qu'il tue lui. Si t'es rendu à moins 420 points de vie, ben t'es pas encore mort, mais parce que lui est en jeu. Ouais. C'est ça qui se passe. Okay. C'est ça. Aïe, il monte donc ça, va. Ok, on vous revient tantôt. Ben non, mais parlez de votre band pis tout. Ok. Ben c'est ça, on est 5. Puis c'est ça. Des fois on met des costumes, des fois on n'en met pas, comme le vrai monde. Puis à part de ça, on fait des capsules sur le web, si jamais ça vous tente, on va se plugger pendant qu'on est là. Ben vous allez faire un tour sur Facebook, on a des capsules sur le web qui ne sont pas que musicales, qui sont parfois comiques. Puis c'est ça, aucune capsule qui implique Magic cependant, on a vraiment dépoussiéré ça pour toi aujourd'hui. Ça veut dire que vous me le donnez? On peut négocier. Je me sentirais mal, ouais, c'est ça, on s'en reparle. Donc, capsule musicale et tout, là on voit que vous êtes deux. Oui, mais dans la vraie vie, on est 5. Dans la vraie vie. Ouais. C'est où, ça? La vraie vie, c'est dans les alentours, là, dans le quartier. Là, on traîne dans les rues. Pis tout, on... Le web aussi, c'est la vraie vie de nos jours. Là. OK. C'est-tu comme une québéquisation des juggalous, les peintures d'en face? Pis tout, non, mais en fait, ben, c'est l'Halloween qui s'en vient, tu le sais. J'adore ouais. ça comme institut. Le vrai costume est comme des ailes en aluminium aussi. Monte à 70%. On a jamais 70% du costume. Définitivement. Puis d'un autre côté, on s'est dit que traditionnellement, tu sais, les femmes du monde occidental se maquillent pour des événements importants. Mais on s'est dit qu'on allait l'apporter aussi du côté masculin. Donc, c'est notre proposition du maquillage au masculin. Les animaux. Hey, j'aime ça. Ça sonne bien en plus, me semble. Du maquillage au masculin. Gillette. Ah oui, c'est vrai, ça a déjà été fait. Avez-vous déjà vos marques préférées? Êtes-vous rendu là? Des maquillages? Ouais. Ah, ben, le Dollarama, le Jean Coutu, là, c'est... c'est vraiment c'est les meilleurs. Jean Coutu, c'est fancy un peu. Ah oui, quand même. C'est pas tous les jours. Là. Non, on n'a pas un gros budget encore, maquillage. OK. Mais si on peut avoir des dons ce soir, peut-être qu'on on va s'améliorer. Bon, on vous le souhaite. On vous souhaite. Est-ce que ta mère est là? Ma mère n'est pas là. Ah, OK. Ça va être plus difficile, peut-être. Non, mais on est très content de vous avoir avec nous. Connaissez-vous un petit peu douteux ce qu'on fait ici et tout? Oui. Oui, c'est un honneur, ça. C'est rare. D'habitude, le monde fait ça. Il y en a même des chroniqueurs qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire ici. C'est assez capoté, bon, ça. On s'est informé. Ben oui, ben, tant mieux. Et puis sinon, ben, vous nous avez amené des clips qu'on va écouter. Vous nous avez fait un petit montage. Oui, oui, tantôt. Un petit montage de nos capsules les plus popées. OK. Donc, c'est ça, on a apporté ça ici, là, ceux qui sont à 70% en bonne, mettons. Oh, c'est donc bien cute. Thématique, all the way. Puis, est-ce que vous aimez ça, notre titre d'émission? Votre type ou votre titre? Le titre. Le titre? Ah, le, ben oui, j'aime bien ça. Toute la semaine, on s'est comme questionné sur le pourquoi de 70%. C'est bien, j'aime ça. Puis, c'est ça, bon, on se questionne encore. Hein, ben c'est oui. pas fini. Nous autres, on appelle ça le show de ceux qui donnent un strict minimum. Tu sais, on vise C+. Il y a tout le temps quelqu'un, quand tu fais un travail d'équipe, là, que lui, il vise 70%. Ouais, c'est ça, c'était notre hypothèse la plus plausible. Ouais, ouais. On est cette équipe-là, nous parfait. C'est comme dans un syndicat aussi, là. Si tu viens et tu te forces trop, toutes les autres ont l'air plus fous. Ouais, il faut que tu travailles à la moyenne de tout calme le monde. Calme-toi, ouais, ça. Ça fonctionne, ça fonctionne. Non, 70, avance. C'est... Oui. Puis, mais assez... vous autres, Sérion, ça vient de quoi? Ça vient de ce mélange de lion et de sérieux? Exactement, c'est exactement. On aime beaucoup les lions, on aime beaucoup ce qui est sérieux. Fait que c'est pour ça qu'on a développé un amalgame des deux, Sérion. Mais pour vrai, t'es la première personne qui l'a d'une shot. Fait que c'est vraiment cool. C'est nice, pour vrai, ouais. Fait que, ben non, mais je pense que c'est le public cible de notre projet, définitivement. Ben, j'embarque, je suis tout le temps disponible. Puis c'est parce que sinon, ça ferait lieu, genre, ça marche plus. C'est vrai. Ouais, non, c'est ça, lieu, c'est un mot qui existait déjà. Fait ouais. qu'on s'est dit, on va faire l'autre amalgame. Puis... Si vous êtes solide. Puis Malajub, c'est déjà pris. Ben ouais, c'était notre premier choix, Malajub, mais Chris, ils sont déjà populaires. Ben ouais, c'est ça, ils, sont, ils ouais. ont volé votre idée. Femme de maladie et de jujube. Peut-être. Ça me oui, semble oui. logique. Puis sinon, ben, il y a une question que j'aime beaucoup demander aussi. On parlera de pas ça. De dinosaures. On va parler de fantômes. Avez-vous déjà vu ça, des fantômes, vous autres? Non. J'aime ça, moi, les anecdotes. Mais les fantômes, t'es pas censé voir au travers? Ouais, mais tu sais, des affaires de circonstances surnaturelles, de grand-père qui vole, de grand-père mort qui est dans ta face. Non, mais c'est drôle, t'en parles. J'écoutais des trucs de même dernièrement, tu sais, sur l'interweb. Mais non, personnellement, j'en ai jamais vécu. Je pense pour ça que j'essaie de m'informer sur des expériences. Mais non, j'ai pas eu la chance. Je fais la même affaire. En tout cas, c'est pas grave. Vous êtes bienvenus pareil. On va Merci. Passer une belle Merci. Heure. Oui? Non, non, moi non plus, j'ai jamais vu ça de fantôme. Je viens pas ici pour mentir, là. C'est bien, Étienne. Ben merci d'être avec nous. On a des chroniqueurs qui vont passer. Laissez-vous aller à commenter. C'est sûr qu'on va reposer des questions, notamment votre site web. Comment qu'on fait pour aller au Sérion sur YouTube? Ben, tu cherches sur Google. D'habitude, les gens ne mélangent pas le sérieux et les lions. Donc, on est définitivement le premier résultat. Mais sinon, sérion.bandcamp, il y a nos chansons. Puis Facebook/Sérion Music, il y a notre page Facebook. Et voilà. Mesdames et messieurs, Sérion, s'il vous plaît. Ce qui nous amène à nos erreurs les plus pires et aux rengaines. Simon Cussonnet ne fait que nous dire qu'il nous aime. C'est les nouvelles avec Bruno Corbin. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on s'en branle. On est payé pareil. Eh bien, oui, Trois Chinoises ont fait un voyage ensemble en Corée du Sud afin de recevoir des chirurgies plastiques au visage. Après leur procédure médicale, les trois femmes avaient bien hâte de retourner à la maison afin de faire leur convalescence, mais pas si vite, a affirmé le douanier. En effet, arrivées à l'aéroport, elles se sont butées à un agent qui leur a refusé le passage parce qu'elles ne ressemblaient pas du tout à leur photo de passeport. Le retour en Chine des trois femmes qui ne sont toujours pas identifiées demeure incertain. Les trois femmes, la Corée du Sud est une destination de tourisme chirurgical prisée par les Chinois. À peu près 100 000 l'an dernier. 100 000 Chinois qui sont allés se faire plâtrer là. Ouais. Capoté ça. Quand même. Ouais, mais au ratio, c'est pas beaucoup. C'est vrai. Mais peut-être qu'ils sont tannés que ça arrive, fait qu'ils ont dit on bloque la réentrée puis ça va se savoir assez vite. Ça. On les garde ceux qui se sont fait refaire la face. Ouais, c'est ça. C'est weird. Merci Bruno. Let's go, Bruno. Un homme de Panama City en Floride fait face à une pléthore d'accusations après être entré par effraction dans une chambre d'hôtel et avoir gardé son occupant en otage pendant plusieurs heures. Jerry Allen Mills, 36 ans, a cogné à la porte de la chambre 203 du Days Inn et l'homme qui occupait la chambre a ouvert la porte, se faisant immédiatement menacer d'une arme à feu. Il est entré dans la chambre d'hôtel et a gardé sa victime prisonnière de sa chambre, puis s'est assoupi, permettant à son otage de s'évader. Mills se serait réveillé quelques temps après et fut confronté par les commis de l'hôtel, sortant à nouveau son arme à feu, la pointant sur les commis et appuyant sur la détente à plusieurs reprises en criant « bang, bang, bang ». Le pistolet n'étant visiblement pas chargé. Mills a été arrêté quelques heures plus tard. Hey, il y en a, t'as envie de lui donner une autre chance? Come on! L'alcool aurait eu un... Okay, la fatigue. C'est... OK, c'est bon. Finalement, sur un vol entre Paris et Washington, un homme qui ne se sentait pas bien s'est dit que ce serait une bonne idée d'ouvrir la fenêtre afin d'avoir un peu d'air frais. L'homme qu'une des hôtesses de l'air a qualifié de confus et visiblement médicamenté s'est dirigé vers une sortie de secours et a tenté d'ouvrir la porte. Les employés ont dû le retenir avant qu'il cesse sa manœuvre, puis l'homme a retenté le coup à deux reprises avant qu'un maréchal de l'air ne s'identifie et l'attache pour le reste du vol. Un maréchal de l'air? Un maréchal de l'air. Y en a-tu dans tous les avions, de l'air? Okay. Dans tous les avions américains, en tout cas. OK. Ouais. Parce qu'il faut protéger ça, les States. Les Amériques. C'est ça. Ouais. L'homme fait face à des accusations d'interférence avec une équipe aérienne. Hey, c'est vraiment weird, cette histoire-là. On va sûrement en avoir d'autres news dans le futur. De lui, là? C'est sûr que non. C'est son rétention. À moins c'est... qu'il fasse quelque chose d'autre, là. Ouais, ben, c'est parce qu'il va aller en prison, genre. Tu dois pas avoir le droit de... Tu peux pas ouvrir la fenêtre en prison, fait que d'après moi... C'est pas fou, j'aime ça. T'écoutes quand tu parles. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. On va le revoir plus tard dans l'émission. Et ça, on aime ça comme ça. À date, comment ça se passe de votre bord? C'est pas pire, ça s'en vient long. Ouais? Oh, ouais. Bon, on passe au prochain chroniqueur. Okay. Let's go, vite! Patrick Raymond. Patrick Raymond n'a pas de jingle. Parce que ça devait être Jesse Spencer, mais elle est pas là. Je m'excuse. Ça va bien tout le monde? Ben, ça va Patrick, toi? Ouais, ça va, ça va. Il y a juste un problème qui me tient très gravement à cœur. Ben oui. Chers confrères et chères consoeurs. C'est nous autres, ça? Ouais. Chers douteurs et chères douteuses, le moment est grave. En ce moment, il se passe beaucoup d'extrémités, qu'on parle de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Ceux qui aiment le western, ceux qui aiment pas ça... C'est une joke de Las Vegas. OK. Too soon. Puis, j'haïs aussi l'extrémisme religieux. Et parlant de ça, le pire extrémisme religieux ever, là, c'est vraiment à Montréal que ça se passe. Y a-tu des fans du Canadien ici, t'asseoir? Sortez. Toi, avec la casquette des Expos, t'aimes pas le Canadien? Non? Une chance, parce que les fans du Canadien, c'est vraiment les pires. Sérieux, come on. À Montréal, il y a juste... La religion du Canadien de Montréal est tellement grave qu'il y a juste deux saisons à Montréal. Soit la construction et la saison de hockey. Donc... attends, j'ai pris des notes. C'est pire que Noël. Il y a déjà des décorations. Ouais, il y a déjà des décorations. avant Noël, avant l'Halloween, dans le centre-ville de Montréal pour commémorer le Canadien de Montréal, sont déjà là en train de prier le grand Messie en espérant que le repêchage a vraiment payé cette année. Ils rêvent déjà à la Coupe Stanley. Ils ont même pas encore scoré un but dans la saison régulière. Ouais, on a la coupe. Le gars, il a encore la couche au cul, mais on s'en calisse. Puis ils sont là à vraiment le chouchouter. Ouais, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Je suis certain que si un Kardashian serait recruté dans le Canadien, il serait vraiment protégé par ses fans ben, des peut-être Canadiens. Peut-être que ça aiderait le hockey aux States. Peut-être, peut-être. Mais j'ai quelque chose plus mais à date, moi, pire religion de tous les temps, je sais pas. Là. Ah oui, sérieux. Il y a même quelqu'un dans un bar qui m'a dit « Toi, tu vas aller en enfer, c'est un fan du Canadien. » Fait que je me suis dit, vu qu'il parle de hockey, l'enfer, peut-être qu'il parlait de Détroit, vu que c'est vraiment pas bon là-bas. Mais moi, je m'en calisse, Robocop, il est de là-bas, puis c'est le meilleur film au monde. Donc, ça règle la question. Je suis un fan de l'enfer, ça a de l'air. Puis... comment qu'on est arrivé à ça? Je le sais pas. Je suis arrivé à un bar avec mes amis, comment qu'on appelle ça déjà? Hockey théiste, en tout cas. Sont anti-hockey. Puis nous autres, okay. On ne savait pas qu'il y avait une game ce soir-là. On veut pas quand tu ne suis pas le hockey. Tu sais pas, c'est quand qu'il y a des games. Fait que nous autres, on arrive là au pub. Puis le barman qui me connaît dit: Hey, toi, je te fais confiance. Tiens, je te donne une cloche. Puis à toutes les fois que le Canadien sonne, score un but. Faut que tu sonnes la cloche. Moi, j'ai compris. Hey, t'étais okay. Le posséder du rite. C'est là, moi qui avais le pouvoir. Là, ouais. Et je m'en suis servi à bon escient. Quand Boston scorait, je sonnais la cloche. Et... ben, ils ont dû te l'envoyer, l'enlever après une shot. Non, non, non, non, non. Je m'en suis servi plus tard parce que je voulais du service aussi. On n'avait plus de bière. Puis quand le barman était tanné de nous servir de la bière, apparemment, peut-être qu'on ne le tipait pas assez, je ne sais pas. Il a servi ça à un autre gars qui a fait la même affaire. Et c'est une histoire vraie. Je sais pas c'est quoi tu veux dire avec la fin de ton histoire. Ben, il a juste... il a donné la cloche à quelqu'un d'autre que lui aussi. Il a donné la cloche à quelqu'un d'autre que lui aussi. Quand que Boston scorait, il okay. Sonnait. Puis quand il voulait du service aussi. Fait que c'est quoi, c'est le bord des trolls, genre? C'est... Non, on s'en calissait. Comme que je disais, on était une gang de hockey théistes. Okay. Le barman n'a pas aimé ça, puis il nous a dit, vous allez en enfer. Donc, à Détroit. J'ai pas mon billet encore. Après ça, quoi d'autre que je voulais dire? Ah oui, les fans de religion du hockey qui surveillent, qui protègent le hockey à Montréal, ils protègent tellement le hockey à Montréal que... quand est-ce qu'ils ont été bons dernièrement? 93, ça fait longtemps en crise. Puis j'ai regardé des statistiques et le Canadien de Montréal avec les Rangers et Toronto, qui est aussi une des pires dans la ligue, c'est les plus payantes. C'est ceux qui font le plus d'argent. Fait que ce qu'il dit, s'ils font de l'argent, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Donc moi, je dis tout de suite, arrêtez de suivre le Canadien. Ils feront plus d'argent, ils auront plus le choix d'être bons. Une autre raison pourquoi que le Canadien est aussi pourri, parce que les joueurs sont paresseux. Ils se disent, on a le Messi qui surveille nos arrières, il va mourir pour nos péchés. On parle de Carey Price, bien sûr. Moi, je l'aurais tout de suite envoyé d'où ce qui vient. Sérieux. Non. Ben, je pense que tu serais jamais coach dans la Ligue nationale. Ben, regarde. C'est encore drôle. Regarde. Moi, j'ai des théories comme de quoi que le hockey, c'est comme un gros téléroman. Première des choses, quand t'arrives le lendemain d'une game, quand t'arrives chez vous, tous tes collègues de travail, gars, ils parlent de ce qui s'est passé la veille au hockey. Donc, téléroman. Et deuxième téléroman, c'est arrangé comme la lutte. Ça, je suis certain que c'est arrangé comme la lutte. Vous regarderez dans les séries, les Canadiens ne font pas les séries, ils font de l'argent. Puis tous ceux qui font les séries, c'est tout le temps une équipe Cendrillon d'une équipe américaine qui ne font pas d'argent anyways. Donc ils essayent d'étirer la sauce pour vraiment que, hey, l'équipe est censée être bonne, sont en série. Allez les encourager, on a besoin d'argent. T'es-tu en train de nous dire que l'arbitrage est pourri dans la Ligue nationale? Il y a une conspiration, Tommy. Non, je dis juste que c'est arrangé. Avec les glandes pinéales pleines de fluor, puis les chemtrails, puis... la terre plate de Burger King. Ah, ouais. Attends, les jus illuminatifs! Non, juste la lune. Les banques jus illuminatives. Les banques jus illuminatives qui contrôlent le Burger King pour nous manipuler nos chemtrails. De quoi tu parles? Je pense que c'est fini, là. Ouais. OK. Merci, Patrick Raymond, mesdames, messieurs. Oh, ouais, ouais. Je pense que les Khmer rouges ont tué plus de monde que le hockey, par contre. Faudrait qu'on check les stats. Ouais, c'est ça. On va checker les stats. On peut pas dire des affaires de même. Là, lui, il est courageux. Il a vraiment comme lancé la balle dans le camp de ceux que... Tu sais, quand tu dis ça sert à rien le hockey, faut pas que tu continues à en parler, je pense. Ouais, ben c'est, il alimente le sujet. Ouais, c'est ultimement, ça, c'est, il ça. Est, c'est la source du problème. C'est ça. Il, ben, il faudrait que tu appelles aux lignes ouvertes. Je pense que tu aurais un effet contraire à ce que tu penses. Que et donc, ben, là-dessus, je pense qu'on est prêt à passer à la prochaine source de chronique. Là. Au bon marché pré-vente, bien des Vénitien, bien des Stamplissés et Jonathan Simon. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, papa, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, papa. Au bon marché pré-vente, bien des Vénitien, bien des Stamplissés et Jonathan Simon. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, papa, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, papa, oui, papa, oui, papa, oui, papa, yeah! Hey, merci beaucoup! Oh, yeah! Donne-moi l'applaudissement pour... C'était vraiment glorieux quand il est allé recrinquer. Allô? Hey, salut, Johnny. Hey, aujourd'hui, c'est le moment de l'année où je remercie mes commanditaires en leur faisant de la pub. Parce que... Ben, il faut, faut écoute. Payer, ben ouais. C'est spécial, ça, quand même. Me semble, c'est pas ton genre. Ouais, c'est ça. Alors, oui. La première publicité que je vais faire, c'est une publicité pour l'Auto-Québec. Ouais, mon micro, ouais, c'est bon. Une première publicité pour l'Auto-Québec. Okay. En 2011, Steve Jobs a donné un iPad gratuit à Monsieur Gendron de Saint-Hubert. En 2012, Whitney Houston a payé un voyage aux Bahamas à la famille Tanguay de Drummondville. En 2014, Robin Williams a permis à Monsieur Fafard de Shawinigan de gagner 25 000 $. Et en 2015, Jacques Parizeau a donné une BMW à Madame Gauthier de Sorel-Tracy. Non, les célébrités n'ont pas fini de vous rapporter gros. Voici l'Auto Deadpool, la nouvelle loterie de l'Auto-Québec. Pour 2 $, vous pouvez parier sur les célébrités qui vont mourir dans l'année et ça peut vous rapporter gros. 2016 a été une année très chanceuse pour les participants de Deadpool et l'Auto-Québec a passé super proche de faire faillite. Écoutons ce client satisfait. Là, j'ai pas la perruque parce que je trouvais qu'elle sentait, elle sentait fort. On la salue. Voici un client satisfait. Moi, ça fait 10 ans que je parie sur la mort de Jeannine Souto. Ben, finalement, cette année, j'ai gagné 5 $. C'est sûr que ça me rappellera pas ma blonde, ma maison pis toutes mes économies, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir tout récupérer en pariant sur Jeannette Bertrand. Oui, l'auto-deadpool, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avertissement. Il est interdit de provoquer les résultats de l'auto-deadpool, puis arrêtez de parier toute la gang sur Donald Trump, puis oubliez pas que c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers, puis que, suivant cette logique-là, il est fucking pas loin de pas prêt de partir. Jonathan Simon, politicien. Ma deuxième annonce, c'est une annonce de pick-up, et j'ai invité une célébrité à venir faire de la narration sur cette annonce-là. Conduire un pick-up sur des terrains rocheux pour aucune raison. Transporter de la... Maudite cigarette. Transporter de la garnotte pour faire semblant qu'on a un vrai travail forçant. Faire de l'attitude puis avoir l'impression d'en avoir une grosse entre les deux jambes. Voilà un exemple de tout ce qu'on peut faire avec la nouvelle Fudge Ram 2017. La Fudge Ram 2017, c'est pas juste un camion. C'est un mode de vie. Un moyen de dire aux autres, je crois pas au changement climatique, je fais partie de la meute, puis je trouve que Richard Martineau, c'est un ben bon gars. Pendant le mois d'octobre, vous pouvez vous procurer un Fudge Ram pour à peu près le montant que j'ai gagné au total quand je jouais un travailleur de rue dans 30 vies. Puis on vous donne gratuitement une chemise à carreaux puis une casquette Make America Great Again. Je m'en... La misère avec cette imitation-là. Mais tu te dis cigarette, ça va t'aider. Je m'ennuie en hostie de l'époque où j'avais des hits à radio. Je faisais de la poudre, je portais des camisoles, mais j'étais pas pogné pour faire de la narration dans des annonces de camions pour gros douchebag. Ouais. Lui, tout commence avec toi, ça a parti beaucoup d'affaires. Je commence avec toi. Il s'est rendu compte qu'avoir un chalet puis avoir de la morale, c'est comme... Bon... Il y en a un, tu peux plus inviter tes amis dedans, genre. Bon, je vais revenir. Bon, je vais revenir à moi-même, puis je vais... parce que, dans le mal à la gorge, je fais ces intimidations-là. Et je vais inviter une amie à venir faire... C'est Anne-France. Ben oui, on la connaît, c'est Anne-France. Allô? Applaudissez, là, voyons. Donc, ouais. Ben, tu vois, il est content. Donc, c'est une publicité de résidence pour personnes âgées. Grand-maman, c'est bien beau dans ta résidence. Oui, ma petite fille. Grand-maman a réussi à se payer une belle chambre aux résidences du dernier dodo. Mais ça a dû te coûter cher. Non, grand-maman n'a que sa pension du gouvernement et un prêt étudiant toujours pas remboursé. Grand-maman, je suis entrée dans la cafétéria de l'établissement, puis il y avait du pudding au chocolat à volonté. Tu t'es trompé de pièce, c'était l'infirmerie, puis c'était pas du pudding au chocolat. Mais tu dois te sentir seule parfois dans ta chambre. Non, non. Mamie dort dans son lit avec 5 autres pensionnaires. C'est vrai que t'as beaucoup d'amis dans ta résidence? Oui, oui, j'ai beaucoup d'amis. Malheureusement, les amis de grand-maman restent jamais bien, bien longtemps aux résidences du dernier dodo. Des fois, c'est des crises cardiaques, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont trop parlé. Grand-maman, quand je vais être grande, je vais être pensionnaire aux résidences du dernier dodo. T'es vraiment une astite folle. Oui. Merci beaucoup. Oui, aux résidences du dernier dodo, tous les employés font de leur mieux pour que votre séjour soit le plus court possible. Que ce soit l'infirmier qui prend plus de pilules que tous les pensionnaires mis ensemble ou le préposé qui passe le Swiffer sur nos pensionnaires pendant qu'ils dorment. Et c'est pas nécessaire d'être bien riche pour être pensionnaire. Quand vous aurez plus d'argent, 2-3 bulles d'air dans une seringue, puis on n'en parle plus. Et 2017, on a remporté le prix Gaétan Barrette pour la résidence pour personnes âgées qui coûte le moins cher au gouvernement. Les résidences du dernier dodo. C'est comme une grande salle d'attente dans l'aéroport qui mène vers le dernier voyage. Ben merci beaucoup. Merci Anne-France. Donc, ben merci. Ben merci à tes commanditaires, puis merci à toi, Jonathan Simon, mesdames, messieurs. Hey, hein, tu veux aller là, toi, la salle d'attente dans l'aéroport vers le dernier repos? Ça donne le goût. Nono, hein. Lui, il tripe sa pub. Toi, est-ce que t'aimes ça, la pub? La pub, oui, j'aime ça, mais j'essaie de pas trop acheter, tu sais. Je la regarde, mais je la consomme pas au complet. Je comprends. Les jingles, t'en as-tu un préféré? Le clamp, Anton, c'est pas pire, mais Barbie's Resto Bar Grill, je pense, c'est pas mal mon number one. C'est fort, ça. Ouais. C'est un classique, ça. Oui, avez-vous pogné la Angrignon qui chantait Angrignon de Noël, là? Non, non. Qui chantait Angrignon. Et puis là, après ça, il te parle des places Angrignon. C'est pendant mention spéciale pour Honda de Blainville, Honda de l'île Perrault. Oh. Qui a quand même un jingle assez rapide, là, un peu ouais, genre Gloria et Stéphane, kind of jingle. Ouais. Ça, il y a Place Longueuil, là, qui est un classique aussi. Ah, hein. Les Place Longueuil, les bons bonbons. Les quoi? Les bons bonbons, ils sont bons. De la bonne friandise. Ah, tabarnak, va-t'en. Waouh, wow, c'était cœur, hein? J'étais où, moi, pendant ce temps-là? T'étais peut-être pas encore en projet, là. Ça date plus de 86 que de 96, mettons. Ok, ouais, on l'a ça, manqué. Ça s'explique. Moi, je pense que ma préférée, je pense que c'est Pétillant. Ah, Pétillant. Et non, la. Le, en tout cas, c'est ça. C'est mon depuis tantôt. Mon jingle préféré depuis tantôt, c'est sûr qu'il répète 3 fois le même mot. Vous avez comme un ouais, pattern. Hein. C'est peut-être. Ouais, c'est ça, ça fonctionne bien pour vendre des affaires. Peut-être. Répéter. Ouais. Des bons bonbons. Moi, c'est pas un jingle, là, mais le. Oui, papa, ça, je fais rien qui te lâche. Ouais, c'est solide. Ça, c'est solide. Ça. Il y en a un des trois qui s'est suicidé, puis les deux autres possèdent la rue Maçon pas mal au complet. Là. On les salue. Oui, papa. C'est les merveilles de la cocaïne. Je sais pas, je fais des liens. Là. Écoute, j'ai aucune information. Je pense que j'ai le droit de me prononcer. Ben oui. C'est même ça marche, les médias. Dans ce temps-là qu'on le sait le plus. Thank you. Quand même, hein? Je pense que tu vas découper ça et envoyer ça à ta mère en Odyssée. Ah, oh, c'était si beau. Merci beaucoup. Ben oui. Puis en plus, c'est thématique cinéma pour notre experte. Exactement. En le 7e art. Ça va, Florence? Oui, ça va très bien. Ben, plus ou moins, là. Mais genre, je suis en forme de moi, là. Je pense que c'est l'essentiel, là. Fist bump. C'est ça. Donc, je vais vous parler du dernier opus d'une saga que je qualifierais de bruyante, c'est-à-dire Blade Runner. Ben non, je niaise. J'ai vu Transformers 5. Oh, yeah! Oh shit, ça bon. Durera pas 5 minutes, certain. Ok, une grosse gorgée. Donc, un résumé. Dans le passé du futur, le roi Arthur a dû combattre les invasions vikings grâce à l'aide de Merlin l'Enchanteur et de ses amis robots chevaliers. Depuis ce temps, il y a une prophétie qui court, mais c'est pas clair, qu'une planète va venir péter la gueule à la Terre dans le futur du futur. Dans le futur de maintenant, les Transformers sont des parias de la société et ils devront retrouver la fille de Merlin l'Enchanteur et le dernier chevalier humain, qui sont les seuls à pouvoir retrouver un bâton magique pour empêcher la prophétie de se réaliser. Quand c'est rendu que ton histoire est plus compliquée de te trouver un médecin de famille, je pense qu'on a des questions à se poser sur tes scénaristes. Donc, on a des vedettes, apparemment. Le roi Arthur. Le roi Arthur, oui. Puis les chevaliers. Oui. Ben, les premières 10 minutes, j'ai comme plus d'âme. Fait que c'est ça que ça donne, là. Donc, on a des vedettes. Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Anthony Hopkins, Josh Duhamel et John Turturro en tant que personnages et d'autres personnes dont je me contre Saint-Ciboiris puis j'irai pas chercher leur nom sur IMDb, c'est pas vrai. Alors, ce que j'ai appris, c'est le logo de Paramount aime pas l'Angleterre du Moyen-Âge et tente de faire avancer la civilisation en castant des boules de feu. Tu sais que ton ennemi fait une seconde vague d'assaut lorsqu'il cherche un certain Hugues en criant « Hugues, Hugues, Hugues ». Les femmes qui travaillent à Oxford aiment pas les bicyclettes. Les tabarnaks. Tu sais que t'as beaucoup de points de charisme quand tu es capable de te négocier le fait de recevoir un bâton magique pour sauver l'humanité en étant sous. Les femmes qui te font faire des tours guidés dans des musées passent beaucoup de temps à décrire les muscles en sueur des hommes sur les peintures qu'elles commentent. Les historiens savent vraiment pas la vraie histoire. Seuls ceux qui ont fait des recherches là-dessus le savent pour vrai. Oh, wait! Le pouvoir de Google. Ah, oui, la vérité vraiment. Est dans les commentaires. La vérité est dans leur cœur. C'est parfait. Dans des temps morts, il faut dire des phrases creuses telles que « C'est en faisant des sacrifices que nous pourrons être victorieux. Yeah! » Oh, ouais, yeah, ouais, c'est ça. C'est en criant ta gueule que tu fais avancer l'histoire. Là-dedans, on a 53 ta gueule, je les ai comptés. Les femmes travaillant dans des musées ont des familles fatigantes. Les femmes, hein? Ah, les femmes. Les femmes ne savent pas conduire et elles crient tout le temps. Ça se fait kidnapper aussi. Ça se fait kidnapper. Les informateurs secrets anglais parlent toujours en trame sonore avec des violons. Parler des anciens membres d'une formation secrète fait avoir des flashbacks en CGI. Mais ça, t'as pas appris ça dans ce film-là. Ça vient confirmer ma suspicion. C'est... La prophétie qui parle d'un élu choisit toujours le gars qu'on voit depuis le début du film. Of course. C'est Mark Wahlberg. Cherchez pas. Parce que Shia LaBeouf reviendra pas, là. Il est revenu en tant que photo qu'on voit 3 secondes. C'était suffisant. Hey, hein, ça te patch un univers, hein? Ça répond à tout. Hein? Oh, ça wow. Répond à tout. OK, c'est une série. Ouh, c'est pas un contrat pas signé, là. Ben non, c'est non, quand non. Même le cinquième, là. Il n'en est pas à son début. On se fait vraiment, en tout cas. Ouais. C'est ça. Personne ne sait que Stonehenge a été créé pour détruire des planètes, sauf John Turturro lorsqu'il se gratte la poche. Tu peux te sauver de tes poursuivants qui ne recherchent que des voitures sport en te transformant en voiture sport. Parce que « hiding in plain sight ». Les scientifiques de la NASA s'expriment en faisant des analogies de popcorn. Ça arrive. Ah, oh, puis de la merde, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai réellement appris. Gods of Egypt est plus facile à regarder. Oh shit! Je dis pas ça à la légère. C'est plus facile, for real. Phineas Gage était un contremaître de chantier de chemin de fer qui a survécu à un immense traumatisme crânien en recevant une barre de fer dans la gueule en 1848. Ça a été un des premiers cas de changement de la personnalité étudié en neurologie. Rosemary Kennedy était la grande sœur de John F. Kennedy et a été lobotomisée en 1941 parce qu'elle était dépressive, selon son médecin. En réalité, on pense plus que c'était une peine d'amour ou juste un moyen de se rebeller contre ses parents qui exerçaient une énorme pression sur leurs enfants. Les médecins pratiquants ont commencé à pratiquer une incision et se sont arrêtés lorsque Rosemary est devenue incohérente. Après la chirurgie, l'état mental de Rosemary a régressé jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de mental d'un enfant de 3 ans. C'est aussi la cinquième de la fratrie Kennedy à mourir, mais la première à mourir de cause naturelle à l'âge de 86 ans en 2005. Naturelle? Ben, morte de vieillesse, là. Ouais, c'est de cause naturelle, là. Ben, elle avait 86 ans. Elle a fait une bonne run quand même avec son âge mental de 3 ans. OK, mettons qu'elle aurait vécu jusqu'à 113 ans, là. C'est ça, okay. C'est ça que je veux dire. C'est bon. La grande majorité des personnes ayant subi des lobotomies sont, soit environ 80 % sont des femmes. La lobotomie a été pratiquée pour atténuer la schizophrénie, mais le traitement n'était pas nécessairement efficace puisque ça exacerbait souvent les symptômes. Bref, je ne peux pas nécessairement dire à 100% que ce film-là est une lobotomie totale, mais ça me rend plus antisociale, puis ça limite dans les capacités d'apprentissage. Bref, les preuves s'accumulent. Allez voir Blade Runner 2049, Chris. Ouh. Merci, Florence. Ouais, fais attention avec ces films-là, Florence, tu pourrais mourir de cause naturelle à 86 ans. Sacrement. Hein? Des fans, vous, de Michael Bay? Non, définitivement pas. Moi, je trouve que c'est un peu de l'autoflagellation que d'endurer Transformers jusqu'à 5. Ouais. T'as pas vu les 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, le combat? Il y a 4,5 aussi? Non, c'est assez. Non, je regarde pas ça, les films d'auteur. Ben, moi, je suis un fan de Michael Bay, personnellement. Ben oui, c'est du moins 7. Là. J'aimerais mieux que ça coûte moins cher. Ouais. Ça me fait chier que ce soit des millions qui soient brassés dans un monde où... Voyons, tu sais... Pour le faire avec des marionnettes. Je me rappelle, on a fait la grève quand je finissais mon cégep en 2005, là, mon université, on a fait la grève pour 53 millions. Puis voyons, Chris, c'est 3 séquences de tout qui explose. C'est un cinquième de film. C'est ça. Puis là, il y a la campagne de pub qui embarque encore par-dessus. Tu sais, des projets de société. Margaret Thatcher a dit dans les années 80 que... Puis ça me fait chier tellement que c'est fort, là. Elle dit, ça n'existe pas la société. Il y a juste des individus et leur famille. Ça veut dire qu'on est de. Tu sais, les astis de projets de société de nos parents, là, c'est. C'est des projets familiaux maintenant. Là, c'est ça. Genre. Une fin de semaine à Hogan Quit, puis c'est ça, faire demain. C'est ça. C'est mieux d'être beau là-bas. En tout cas, non, il y a beaucoup à réfléchir là-dedans, mais le cinéma est gangréné et il faudrait y aller de l'intérieur régler ça, comme Joss Whedon. C'est une joke pour les étudiants. Okay. Il y en a qui l'ont compris que ça servait à rien que j'aille dire ce que je viens de dire. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. Ah non, on allait voir pas. C'est Octave SL. C'est Octave SL. C'est Octave SL. Je comprends pas, c'est les paroles. Et c'est effectivement Octave. Salut, mec. Allô, ça va? Ben oui, j'ai entendu dire. Ben oui, effectivement. Dis-moi en plus. Ben regarde. Il y a plus aujourd'hui, Tommy. C'est vrai, beaucoup. Beaucoup, et puis ça m'a inspiré. Donc, je fais un pamphlet sur la météo. Parce que je sais que dès que tu dis ça, les gens font. Oh non, pas la météo. Oh non, c'est plate. On parle toujours météo. Et puis, je ne suis pas d'accord. Tu veux réhabiliter la météo. La météo, Tommy, c'est la seule chose qu'on a en commun. On vit tous sous le même ciel. S'il y a plu aujourd'hui à Montréal, et puis qu'il fait beau à Istanbul, c'est pas la magie du cinéma, Tommy. C'est pas une coïncidence, c'est un résultat. Un résultat de quoi? De qui? Personne le sait, Tommy. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Parce que, tu sais... Ça allait bien jusqu'au dernier bout, là, mais Je te suis, je te suis. Attends, le raisonnement marche très bien. Non, non, ça marche. Il y a personne qui s'ostine quand il pleut, Tommy. Il pleut. Tu sais, il y a pas de « Oh non, je crois pas à la pluie. Oh non, moi, je pense qu'il devrait, il devrait moins pleuvoir, mais pour tout le monde. » La pluie alternative. Non, c'est ça. Quand il pleut, les opinions ont plus leur place quand c'est le temps de ranger la corde à linge, Tommy. Puis il n'y a rien qui me contrarie plus que quand je suis dansé dans le métro avec comme une connaissance, là, un semi-étranger. On le salue. Oui, tout à fait. Et puis que tu veux lui parler, tu veux connecter avec, puis tu sais que la seule chose que tu as en commun avec cette personne-là, c'est la météo. C'est la seule chose que tu sais que vous avez partagé, c'est l'air ambiant, n'est-ce pas? Fait que là, tu t'essayes, puis tu es comme, ah ben, tu sais, c'est plus mouillé dehors qu'en dedans, hein? Et puis là, tu fais recevoir ton commentaire très pertinent par une espèce de tu sais, moi je pense à d'autres choses que juste la météo. Puis là, faut que tu écoutes la petite partie. Parle-en de tes opinions politiques, tu sais, on t'écoute, Chris. Je débarque à De La Savane, là, on a comme 6 stations pour changer le monde, c'est bon. Puis ça, Tommy, là, c'est ça qui... c'est la faute à Netflix. Oh. Parce que tout passe par la télévision maintenant. Et je veux dire, les gens sont pas intéressés par quelque chose si l'adaptation télé est pas bonne, puis on sait qu'il y a rien de plus plate que l'adaptation télé de la météo. Donc, ma solution, c'est de prendre l'argent que Netflix nous donne gracieusement et de l'investir dans Météo Média pour faire du contenu de qualité de météo. Comme ça, tout le monde va regarder la météo, puis on va avoir des affaires super intéressantes comme « Demain à Météo Média ». Des nuages convectifs venant du sud menacent la stabilité atmosphérique. L'inspecteur Cumulonimbus arrivera-t-il à les arrêter? Avec Maxime Denommé dans le rôle du facteur Humidex. C'est Averse à Gatineau. Enfin, Averse à Gatineau. Exact, tu vois, t'embarques. Ben oui, Michael Bay pourrait le faire, puis là, il serait pertinent, tu vois, parce qu'il nous rassemblerait tous dans la simplicité unificatrice de la météo. Parce que, tu sais, tu as tellement de divertissement maintenant, Tommy, là. C'est vrai. Je veux dire, si t'aimes les pirates transgenres, Netflix va te faire une série juste pour ça, juste pour toi. Puis t'auras personne à en parler parce que tous tes amis écoutent la série avec les ninjas travestis. Qui est vraiment touchante, parce que ninja travesti, ça veut mettre des talons hauts, mais ça fait trop de bruit pour être un ninja. Fait qu'est-ce que tu fais? C'est un drame profond. Ça pour dire que... Les ninjas travestis, j'aime beaucoup ça. C'est une très bonne idée. J'attends qu'on m'appelle encore. Je suis là, je me tourne les pouces, puis il y a du génie qui sort. Ah ouais, c'est ça. Il y a juste... Le capital ne veut pas. Bref. Ça pour dire que si tu forces le small talk, là, le small talk, ça peut être de la poésie, Tommy. Tu sais, comment la pluie t'affecte? J'ai les cheveux enflés. J'ai moins soif que quand il pleut pas. Des choses comme ça. Je t'écoute. J'ai fini. Okay. Merci beaucoup. Il y a le Geostorm là, qui sort le 19 octobre. Là, bientôt, ce mois-ci, ça va être malade. Un film sur la température. Un film sur la température, ouais. Sur la météo. Wow. Ouais. Ça va être malade. On va avoir des... Il me semble Michael Bay. Non, c'est Roland Emmerich qui faisait des films là-dessus. Ouais, il en a fait Day After What Tomorrow. Happened ouais, Yesterday. Puis le 2012 aussi, qui est un petit peu un film ouais, de météo. Ouais, ouais, effectivement. Mais M. Night Shyamalan aussi avait fait un film là, où que la météo était responsable de phénomènes oui, paranormaux. C'est vrai. Là. C'est vrai. The Happening oui, avec Marky Mark. Exactement. Justement. Un des films les plus décevants de l'histoire des films. Non, c'est malade, The Happening. Mais non, mais Marky Mark, il donne la performance c'est de C'est correct vie jusqu'à la fin où t'es déçu. Là. Marky Mark, qui, on dirait, a oublié comment dire non. Hein, si on oui, tout à fait. Il me semble qu'il avait commencé à faire Boogie Nights, puis là, tout le monde disait, c'est vraiment hot que tu fasses des films à cette heure, puis là, il prend ce que Shia LaBeouf veut pas. Ça, c'est quand même assez particulier. Tabarnak. On vit une belle histoire. On va aller parler avec notre artiste de la soirée. J'aime beaucoup ce que tu es en train de nous faire ce soir. Pascal Lamoureux Miron, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Allô? Super licorne. Ben oui, c'est une. Ah, c'est vraiment super. C'est littéralement super licorne. Est-ce que je peux te demander, est-ce que c'est un être humain normal qui met comme un masque de cheval quand il a besoin de devenir une super licorne ou c'est une licorne anthropomorphique? qui, à un moment donné, enlève du linge sur lequel il y a une étoile puis va danser le disco jusqu'au matin comme personne d'autre. Je vais y aller pour l'option numéro 2. OK, c'est bon. J'aime ça, l'imaginer le monde de licorne anthropomorphique. Moi, j'aime beaucoup ça. Merci, Pascal. Ça va être vendu à l'Encan tantôt. 100% des profits vont à une très bonne cause. Donc, je pense qu'on est prêt pour le prochain. C'était bon? Wow, ouais. Allô? Custom Made, salut Laurent, content de te revoir à 70%. Oui, c'est ça, c'est ma première chronique. Je suis un peu stressé parce que moi, je suis pas drôle. Ben, c'est ta première chronique depuis ta dernière. On avait parlé du créateur de Kirby qui était mort. Ah, ouais? Il avait attrapé un décès puis tout. Finalement, ça avait été fatal. T'as-tu le tape de ça? Je vais me réécouter. Oui, sûrement. Ouais, OK. On va trouver ça. Parle-nous, là, parle-nous. Oui, non, toi, tu sais pas de quoi je vais parler. Pas fuck all. Yes! Ben, hey, Tommy, je t'apprends rien en disant qu'on est lundi. Il y a des fans de lundi dans la salle. Donc, je vais vous parler de ma fin de semaine. Cette fin de semaine, j'ai joué un jeu vidéo indépendant canadien. J'ai joué tout le week-end et ça s'appelle Cuphead. C'est la meilleure invention après le pain tranché. Moi, je trouve que c'est le meilleur jeu vidéo depuis longtemps. L'espèce de contrat avec des dessins des années 30. Ouais, ben c'est ça. Je vais te raconter un peu. Pour ceux qui ignorent, je sais qu'il y a des fans, mais il y en a d'autres qui connaissent peut-être pas ça. Donc, s'il y a une machine à faire de l'argent, Tommy, tu le sais, c'est après le sexe, la nostalgie. Exactement. On a plein... On a déjà un paquet de jeux vidéo. Bon, on le sait avec Nintendo. Nintendo a sorti sa SNES Mini. Et 2 secondes et quart après qu'elle soit sortie, tout le monde est en beau joie le vert parce que c'était sold out partout. C'est toujours la même histoire que je répète. J'ai entendu la phrase, ben là, elle est vraiment pas assez chère, ça va passer trop vite. Ouais, non. C'est ça le problème, ben, ouais. Ben c'est ça. Donc, la nostalgie, ça marche pour les vieux jeux rétro, mais aussi les nouveaux jeux, hein, à saveur rétro, avec du pixel art. Je pense que tu connais ça un peu. Lui, il connaît ça aussi un petit peu. Les petits jeux mobiles, là, qui ont l'air des vieux jeux, là. Ben, ça mise sur la nostalgie, Tommy. Ben oui, c'est sûr. Mais il y a également un autre genre de jeu, du moins un nouveau genre, qui semble naître ici avec Cuphead. Parce que Cuphead, ça mise sur la nostalgie, mais ailleurs. On va chercher, dans le fond, l'esthétisme des dessins animés des années 30. Donc, Betty Boop, Popeye, les vieux dessins animés. Donc, physiquement, il n'y a pas de pixel art, là. C'est vraiment, on reconstitue un dessin animé de l'époque. Donc, on va distorsionner les couleurs, on va les désaligner, on va mettre des scratchs dessus. Ça a l'air du yab. On a la technologie pour ça aujourd'hui. C'est merveilleux. Mais ça marche. Ça marche parce que ça rappelle probablement une époque plus simple où on n'était pas stressé par le loyer, les enfants, la job, ou le dernier post, la dernière photo Instagram qu'on a publiée. Y a-t-il assez de likes? Je sais pas. Il y avait juste un canal à la TV. Ben, ouais. C'est ça. Donc, Cuphead s'inscrit dans cette tendance-là, mais de manière différente. Puis, comme tu disais tantôt, c'est un run and gun. Donc, un peu comme Contra, exactement. On bouge et on tire tout ce qui bouge. Et, bon, j'ai expliqué, bon, blablabla. La technologie, l'esthétisme, c'est fidèle, etc. J'ai comme, hein, j'ai pas suivi mon ordre. C'est ma première, 70%, moi, je suis correct. Donc, on incarne un duo de personnages, Cuphead et Mugman. Donc, c'est des petits bonhommes dont la tête est en forme de tasse. Hein? Comme ça, Walt Disney peut pas se frustrer avec « Ah, ça a l'air de Mickey Mouse! » Oui, ils ont les gants, ça y ressemble un peu, mais la tête est complètement différente. Fait que calme-toi, Walt Disney, de toute façon, t'es mort. Donc... Je ne sais pas, ça. Ben, il est congelé. Ben, Walt, il est mort, mais Disney est pas mort, là. C'est ça, c'est Disney, deux personnes. Disney, c'est hein. Satan. C'est Walt et Disney. C'est partout, ah, c'est là. Ça. Justement, parlant de Satan, je trouve ça intéressant, le lien que t'es en train de faire, sans faire exprès, c'est que l'histoire de Cuphead, c'est Cuphead et Mugman se ramassent du mauvais côté de la ville et ils se rendent au casino du démon, du diable. Donc, le casino de Satan. Fait que tu comprends-tu, t'arrives au casino, tu commences à jouer au Crabs, le jeu de dés, puis là, ça va bien. Ils sont dans un winning streak, donc ils remportent les victoires consécutives. Ouais, ça ouais, va super. Ouais. Là, le diable, il voit ça, il dit hey, moi, j'ai un deal pour toi. Je t'offre tout ce que tu veux dans la vie. C'est toujours le même deal avec le diable. Oui, ben oui. Je t'offre tout ce que tu veux dans la vie, mais si tu perds, ben, je vais avoir vos armes. Fait qu'évidemment, Cuphead est épais. Fait qu'il dit oui. puis il s'essaye, puis qu'est-ce qui arrive? Il perd. Mais Coped et Mugman obtiennent la clémence du diable. Fait que le deal, c'est OK, va me chercher des contrats d'armes un peu partout dans les environs. Là. Va tuer du monde à ma place. Puis rapporte les contrats d'armes à c'est moi. C'est comme Spawn. Et tu vas avoir justement la vie sauve, en fait. L'âme. La liberté spirituelle. Je l'avais noté. C'est écrit ici. Donc, Coped, c'est un jeu, je l'ai dit tantôt, run and gun. Mais c'est aussi un jeu de boss fight. Ah ouais, il y a beaucoup de boss fight. Et c'est un jeu excessivement difficile. Si t'apprends les patterns, là. Pas juste ça, parce que les patterns sont pas toujours pareils. C'est vraiment tough, mais moi j'adore ça. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est fucking tough, c'est fair. Puis le début commencerait. C'est un jeu à 22$, c'est un jeu indépendant. Donc, tu sais, pas le temps de niaiser avec OK, il y a un mini tutoriel, mais ouais, go dans l'action. Puis ouais, t'es on a entendu parler du tutoriel, je pense. Mais justement, moi j'ai adoré. Tu sais, les internautes ont adoré. Tous ceux qui ont acheté le jeu sur Steam, 97% donnent 5 étoiles. Ça va très bien, mais entre en scène les journalistes spécialisés en jeux vidéo. Les critiques ont été bonnes. Tu sais, t'as des 8, 8.5 sur 10. 9.5 sur 10, ça va, ça y va. Mais il y a eu des journalistes qui n'ont pas aimé ça, avoir un jeu si difficile. Je vais y aller avec des titres. Donc, je trouve la difficulté de Coped exaspérante et non amusante. Ça, c'est Kotaku. Et un autre titre de Polygon, Coped est difficile, mais juste... Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Moi, j'ai joué. Ça veut dire quelque chose. Ça. Ben, c'est ça. C'est comme une tautologie. Il y a l'air fair, mais finalement, il ne l'est plus parce que tu frustres après le jeu. Moi, personnellement, je n'ai pas terminé le jeu. Je l'adore. Je suis rendu à 50%, mais je veux toujours continuer parce que c'est beau, parce que c'est le fun, puis parce que je trouve que j'étais à ça de l'avoir. À chaque fois qu'on termine un niveau, on voit le parcours qu'on a effectué parce qu'on ne voit pas l'énergie du monstre. Du gardien, on le voit pas. Mais on le voit à la toute fin. Il y a comme des affaires qui pètent? Il change, il y a des évolutions. C'est ça. Il y a différentes étapes. Mais il n'y a aucun checkpoint, puis tu peux pas gagner, tu peux pas récupérer de la vie. Donc, mettons, tu commences avec 3 points de vie, ben, si t'es fait toucher 2 fois, il t'en reste juste un, puis tu vas pas gagner un cœur en chemin. Oublie ça, man. tu finis le niveau, tu recommences du début. Arrange-toi ça. Penses-tu qu'ils vont faire une patch qui fait que tu regagnes de l'énergie non, des voix? Non, ben j'espère que non. Mais justement, là, les journalistes, ils frustrent là-dessus. Parce que moi, je comprends ça. J'ai critiqué des jeux vidéo. Puis il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un jeu difficile ou un jeu open world la veille de sa sortie. Là, l'embargo va être levé demain matin. Puis en haut, ils jouent. Pas moins de critiques. J'ai besoin de 4 pages en plus. Ben, c'est toi qui joues assez pour le comprendre. C'est normal de vouloir terminer le jeu avant de faire la critique. Parce que si jamais la fin est poche, c'est sûr que ça va influencer la note. T'sais. Fait que c'est tough. Moi je c'est comprends ça. C'est difficile de faire des critiques de jeux vidéo. Oui, c'est pas évident. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de débat que ça a amené, les jeux difficiles. Parce qu'avec le temps, bon, tout le monde le sait, ceux qui sont joueurs ici, aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sont essentiellement des films interactifs. Tu sais, t'appuies sur des boutons une fois de temps en temps, puis après ça, tu te rends fin, puis tout est facile. Là, t'as un jeu comme Cuphead, un jeu qui vient justement de la communauté des développeurs indépendants, puis qui est un réel défi. Mais personnellement, je ne sais pas pour vous, Sirion, ou Tommy, est-ce que vous êtes du genre à vouloir jouer à un jeu difficile? Vous aimez ça quand la vie est facile? Moi, j'ai trouvé le truc. On se rend à la fin. Le checkpoint, là, quand tu n'as pas de checkpoint dans les jeux, il te faut un petit frère. Ah! Comme ça, lui va toujours te ramener au checkpoint. L'oxygène. Puis après ça, tu reprends la manette. T'sais. Parce que je dis qu'il n'y a pas de checkpoint, mais une fois qu'on a terminé un niveau, un boss fight, qu'on obtient le contrat, c'est beau, là. Tu n'as pas besoin de recommencer. Faut pas que tu termines le jeu du début. T'as au moins cette sauvegarde-là. Mais quand t'arrives à la moitié du niveau ou si le monstre en question a passé plusieurs étapes, ben c'est pas vrai que tu vas continuer à partir de là. La plupart des jeux te feront continuer. Ouais, ouais, y a un checkpoint. On veut te rendre la vie facile, ouais, mais ouais, lui, ouais. Il le fait pas. Puis moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus gratifiant de réussir des niveaux comme ça, des niveaux hyper tough, puis que de jouer à des espèces de films interactifs. Donc, merci communauté. Heureusement, Les développeurs indépendants sont là pour remettre les pendules à l'heure. Donc, je tiens à remercier cette communauté-là. T'en fais partie d'ailleurs. Et Giz aussi. Donc, faites des jeux durs. Cuber Simulator, c'est le fun, là, mais revenez à plus dur. All right, c'est dit. Merci, Laura Lassalle, mesdames, hey! Messieurs. On n'a pas parlé de ça, êtes-vous gamer un petit peu, vous autres? Oui, ben on a été gamer à nos heures. Moi, je trouve que c'est un plaidoyer vraiment intéressant parce qu'à force de niveler vers le bas, hein, quel genre de société de gamer on crée pour les jeunes de demain? Ben, puis là, en plus, dernièrement, Nintendo veut enlever le Game Over. Puis là, ben là, il paraît qu'Ubisoft veut mettre un bouton pour skipper les boss fights. Là, à un moment donné, click if you want to win the game. Là, c'est, ben oui, c'est oui. Ça, oui. On arrive nulle part comme société. C'est ça. Puis ton jeu préféré? Mon jeu préféré? Ben moi, le jeu avec lequel j'ai eu le plus de plaisir, c'est définitivement Ocarina of Time. De Zelda, je suis un peu classique là, dans mon type bon de choix. Jeu. Alors, on parlait de nostalgie tantôt, fait que c'est sûr que c'est impliqué. Oui, oui, définitivement. C'est dans le temps que tu n'avais pas à payer le loyer, fait que chez tes parents, ça allait dans les murs. Oh oui, non, j'étais en bas de pyjama, un peu sale dans le sous-sol, là, puis j'essayais de passer le niveau-là. Ouais. Et voilà. Comme un vrai gamer. Ah, mais ça a été Counter-Strike. Counter-Strike. Counter-Strike. Oui, un jeu de fusil, de violence. De strife, puis de chat. C'est ça, mais il y a une équipe, hein, il y a quand même un team spirit, ouais, ouais. Ah, ça, c'est soit cool. Moi, j'étais en train de rejouer Final 8 pour voir si c'était si poche que ça. C'est vraiment pourri. Calvaire. Les RPG sont morts au Final Fantasy 7, qui est un des jeux les plus overblown de la vie. Non, Final point barre, on passe au prochain chroniqueur. On passe au prochain chroniqueur. Mais c'est vraiment pas de chance pour lui, parce que nous, on l'aime bien. On aime tous Mathieu Boudreau. On aime tous Mathieu Boudreau. Là, c'est moi. On aime tous Mathieu Boudreau. Merci beaucoup, vraiment cool. C'est la première fois qu'on me fait une chanson punk. Ouais, incroyable. J'apprécie. Quelle soirée, c'est incroyable. Vous êtes nombreux. Et moi, j'ai une anecdote. C'est malade. L'autre jour, il y avait un gars avec un sac à dos et une grosse barbe dans l'escalier. Salut les gars. Salut. J'aime beaucoup vos tatous. Ouais, nous autres aussi. Ouais, c'est cool. Non, mais je sais pas, c'est drôle, parce que l'après-midi, j'écoutais des vidéos de Kiss. Je trouvais ça poche. En tout cas, l'autre jour, il y avait un gars avec un sac à dos puis une grosse barbe assis dans l'escalier qui donne sur mon appartement, tu sais, puis c'est en arrière, c'est dans la cour, puis il y a trois petites marches, puis le balcon est juste à côté. Fait que, tu sais, c'est pas long que tu remarques que juste sur l'île de Montréal, on estime à 20 000 le nombre de vols de vélo barrés sur ma galerie. Fait que il est 2h15, puis je suis en train de me faire à manger. La femme de 60 pieds est en train de lire sur notre lit à moitié tout nu. Le chat est couché sur le dessus du frigidaire. Je me dis, je vais aller me présenter. C'est ça. Fait que là, c'est mon grand rêve à moi, hein, un trip à trois avec quelqu'un qui a passé l'après-midi au soleil avec des pinces Monseigneur dans le manteau. Fait que je fais trois pas, puis rendu sur le balcon, je dis salut. Et puis là, faut dire qu'il m'a pas vu, tu sais, parce qu'il était dans, il était dans les escaliers. Fait qu'il a fait un petit saut. Il a fait un moyen saut. Il a fait un. J'avais l'impression qu'il pensait qu'il était tout seul, tu sais. Tabarnak. Lui, trop occupé hein, à être surpris, il me salue même pas, là, il enchaîne, tu sais, comme si on avait une discussion. Il est là, puis il dit ah, mais je faisais juste me reposer. Fait que là, je dis ben, pas de problème, man, juste, je voulais savoir. Si t'es au courant que c'est vraiment louche que tu sois assis là. Et je sais pas si c'est parce que j'avais le torse bombé puis que je le regardais dans les yeux quand j'y disais ça, mais lui, de son bord, il avait comme aucune réaction. Là. C'était comme silence radio. T'sais. Puis, et on connaît tous l'expression là, hein, « qui ne dit rien, n'est-ce de voleur de bike? » Fait que il a pas essayé de défendre son point, là. T'sais, là-dessus, là, je te dirais qu'on a comme atteint hein, à une espèce de transition. Voilà. Chacun étant conscient de l'autre, nous pouvions décider enfin ses chemins à prendre. Fait que j'ai enchaîné, là, parce que j'ai dit, t'es quoi? Dis-moi, c'est Mathieu. Bien content de te rencontrer. Puis s'il y a de quoi, t'es en train de me faire à manger. Puis je suis rentré dans chez nous, tu sais. Parce que je le savais, là, ce qui allait arriver, rien pantoute. Définitivement. T'sais, on n'est pas dans un film, hein? Il n'y a pas eu de vengeance, aucune explosion. Là. Mel Gibson n'est pas arrivé avec sa guitare en disant « Je joue pas de guitare, mais je suis un acteur, fait que tu penses que oui. » Tout est arrivé. Je veux pas perdre de temps là-dessus, mais vraiment, là, c'est dur de faire semblant que tu joues de la guitare d'un film quand t'en joues pas. C'est un gros dossier, c'est un dossier choc. On dirait que tu sais pas comment. Je te regarde, j'entends un sol, c'est pas un sol que tu fais, tes doigts sont pas à bonne place, ta position de main, c'est de la merde. Non, mais à un moment donné, mais je veux pas. C'est pas ça, c'est pas mon point, OK, de cette semaine. Il s'est rien passé. C'est rien passé. Une fois la petite pause terminée, le gentilhomme barbu, il a continué son chemin. Parce qu'à un moment donné, hein, faut arrêter de capoter aussi. C'est pas tout le monde qui est du mauvais monde, là. Fois, les gens ont juste besoin de se reposer. Moi, là, sans poser de questions, j'aurais pu dire qu'il cassait la gueule là, pour tous les autres estis de voleurs de bicycles, de crise de rossal, de tabarnak. Mais non. On a parlé. On s'est donné la chance hein, de ne pas se faire chier. Et il l'a pris. La poudre d'escampette, peu importe c'est quoi. C'est sûr que j'ai choisi là, de ne pas le tuer. C'est un choix que tu fais. C'est un choix. Et pour ça, mon fils, il a dit « Papa, je pense que tu fais des progrès. » Écoute, j'en parle, j'ai des frissons. Non, mais c'est vrai, je suis ému. Je veux dire, tu sais, venant de lui, c'est un enfant de 8 ans. Il en a vu des affaires pas faciles. À un moment donné, j'ai juste envie de dire merci à la vie de me donner la chance de vivre ça hein, pour tous ceux qui se sont fait voler leur bicycle. Et on est nombreux, hein? J'en parlais au début du texte. Ça m'est arrivé 3 fois. Ah ouais, juste 3, toi? Ouais. Ben voilà. Et puis ça, écoute, moi, rencontrer un voleur de bicycle puis pas faire de prison, Tommy, là, je pense que c'était la première fois. Merci, Mathieu Boudreau. Ah, les basics. Hein. C'est vraiment pas un bon ratio au final aussi, parce que quand tu voles un basic, tu peux te faire 40-60$, mais tu fais chier pour beaucoup plus que ça. Fait qu'au final, tu sais, c'est pas un bon ratio. Y a pas personne qui finit heureux avec un bol de basic. Peut-être pendant quelques instants, t'as ton fixe, puis c'est correct, tu penses à d'autres choses. Mais là, demain, il va falloir être allé voler 2 basics. Puis après 3 bicycles, à un moment donné, écoute... Là, c'est l'escalade des vélos. C'est oui, c'est ça l'escalade appelle, des bicycles. Il y a un gros, gros problème qui... ça se passe bien, votre 70%? À date, ça va super bien. Ben, de toute façon, c'est tout le monde qui parle à notre place, fait que c'est cool. C'est vrai. On n'a pas besoin vraiment de générer du contenu. On patine sur leur contenu, fait que c'est cool. Faites-vous des shows live? Nous autres, ben oui, on adore ça, faire des shows live. Mais quand on fait des shows live, c'est de la musique. Majoritairement. Mais pas juste la musique, Tom, parce qu'il y a d'autres choses. Ouais, on fait un spectacle complet. Majoritaire, OK. Il y a de la musique, mais c'est inclus vous dans un... Vous faites des bouchées aussi, genre. Ben, oh, non, à un moment donné, on a passé des crudités, c'est pas des blagues. Mais on implique beaucoup de sketchs aussi dans nos shows, mais qui sont majoritairement des tunes. C'est bon. Je pense que c'est depuis le jour où on a vu Raoul Duguay, l'infonie, qui faisait un spectacle là, où il se passe pas juste de la musique. Là. Tu veux comme ça, un peu comme... peintre, etc., sculpture en même temps, poésie, tu sais. On essaie qu'il se passe quelque chose tout, de complet. Ouais. D'habitude, on a un danseur radiophonique, mais là, il est occupé à soi. Ouais, c'est correct, on n'aime pas ça, la danse. On a aussi quelqu'un qui fait des striptease, mais on lui a demandé de perdre 80 livres, parce que... C'est pas vrai. N'importe qui veut faire un striptease, on va le prendre, là. Vous nous connaissez, là. C'est pas vrai, sinon, ben, on arrive à la fin de l'émission. On va parler tout de suite des clips que vous allez nous montrer. Ben oui, on va introduire un peu, lubrifier la capsule vidéo qu'on va passer. Donc, c'est très simple, c'est 3 capsules qu'on a mis sur le web. Il y en a une qui est une chansonnette. Il y en a une qui était des coups au téléphone. La troisième, c'est un peu un sketch. Puis finalement, on finit ça avec une chanson accompagnée d'un clip maison avec des images empruntées, surtout à la montagne sacrée. Puis d'autres affaires. Là, la chanson, c'est un mix, je te dirais. Entre, voyons comment il s'appelle le gars qui écrit des poèmes. Là, qui Claude Gauvreau. Claude Gauvreau, puis. Automatisme. Mais c'est un mix entre Claude Gauvreau puis le speech du mental de Marc Messier dans les Boys. Sur je, des images je... de Jodorowsky. Exactement. Je pense que je l'entends déjà. Ça va être quand même pas pire. Sinon, ben, c'est Sirion sur Bandcamp. Oui, sirion.bandcamp.com ou sur Facebook. facebook.com/SirionMusique. Sirion. S-E-R-I-O-N. Exactement. Sérieux et Lyon. Un agréable mix de sérieux et Lyon. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'avoir été là. On arrive à la fin de l'émission. On espère que vous allez rester pour le set de VJ. On peut applaudir Sirion, certains. Merci. Oh, Mathieu Boudreau, il y a OK. S'il te plaît, amène-nous au dernier bloc de nouvelles. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Juste, simplement, du chômage. Des États. Oui, c'est ça. À Carteret County, en... Tu vas-tu en faire un autre? Okay, un autre soir. À ta santé. Un autre. À tes amours. Yep. Okay. Après tes amours, je sais plus quoi te souhaiter. OK. Non, je sais pas ce qui est arrivé. Je dois être allergique au chômage. Merci Bruno, vas-y. Oui, à Carteret County, en Caroline du Nord, un homme de 45 ans a été arrêté après avoir vendu des méthamphétamines à un informateur de la police et qu'une fouille de sa résidence a révélé qu'il était en possession de plus de drogue ainsi que d'armes à feu. Comme défense, Jerry Willis propose qu'il n'est pas une personne, mais plutôt une sorte de produit d'agriculture et qu'en tant que tel, il ne doit pas se soumettre aux lois de la Caroline du Nord. Il ajoute que son nom n'est pas Jerry Willis, mais bien Willis Jerry, ce qui, selon lui, au moins rend la poursuite nulle. Ce second argument, dans lequel il propose que son identité aurait été confuse avec celle de quelqu'un d'autre, est communément appelé la défense de l'homme de paille, qu'on pourrait argumenter qu'un homme de paille est effectivement un produit d'agriculture. Donc, tout est dans tout. Le juge a rejeté la motion de Willis qui ne s'est pas présenté à son procès et a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. On peut l'applaudir. Ça slow clap. Let's go next. Oui, les avocats de la compagnie Velcro ne veulent pas qu'on utilise le nom de leur trademark comme nom du produit de peur de perdre les droits de leur trademark. Comme les compagnies qui ont eu trop de succès auparavant, et ont perdu le droit du nom de leurs produits tels que trampoline, escalator et glace sèche, Velcro a fait un appel à l'aide sous forme d'une vidéo rappelant « We are the world » afin que nous cessions d'appeler le Velcro, le produit dont le nom officiel est « Hook and Loop ». Pour les aider dans leur fait de garder leur jument. Qui mange de la... Faites-vous partie de la solution? Ben, il va-t-il y avoir une traduction? Loi 101 de Hook and Loop? Crochet et rond. Ben ouais, ça j'utiliserai pas. Non. Crochet et cerceau. Crochet-cerceau. Crochet-cerceau. On se rapproche de quelque chose. Ou Velcro. Fait qu'on peut plus dire Velcro, on s'approprie le Velcro en disant ça. Oui, quand on dit c'est comme quand on dit Kleenex ou Band-Aid ou Frigidaire. Puis eux autres, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça, eux autres, parce qu'ils ont peur de perdre leur... on va la regarder plus tard, la vidéo, je boucle pense. Textile. Oh, boucle textile. Crochet et boucle textile, tout le monde. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça allonge nos discussions d'au moins 25%. Ça arrivera jamais, c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat... Tu penses? Oui. Fait que tu fais pas partie de la solution. Non, Velcro, c'est entré. Pas dans ce cas-là. Non, moi, j'aime beaucoup le langage. Toi, tu nivelles par le bas. C'est correct. Non, mais c'est beau. Non, mais tu fais comme tu veux, hein. Moi, je veux pas perdre de temps. En tout cas. Les députés du shérif de Douglas County en Oregon ont arrêté un homme de 50 ans et son film de 18 ans après une altercation avec un conducteur. Adam Smith, 29 ans, revenait de son travail au volant de son camion et s'est endormi au volant, entrant en collision avec la clôture de Mike Sanderson qui, surpris par le bruit, est sorti avec son fusil de calibre 22 à la main en criant « Coupe ton moteur puis ça reste dans ton char! » Smith, toujours désorienté, a ressenti de la peur. C'est bizarre. Oui. Et a tenté de se sauver, ce qui a poussé Sanderson à tirer à deux reprises sur sa voiture. Le bruit a alerté son fils Dylan, qui s'est alors armé d'un autre pistolet et s'est mis à tirer sur la voiture de Smith à 8 reprises. Smith qui a clenché hors de là en criant « Je m'excuse, je vais payer pour la clôture! » L'une des balles a effleuré la tête de Smith. Les mâles Sanderson font face à des accusations en général. Shit, hein? Shit, hein? Comment ça aurait pu bien finir? Il aurait fallu, qu'il fasse le cochon. Oui! Hein, c'est facile, faire le cochon. Oui! Fais le cochon, c'est facile. Mais c'est-tu ta dernière? C'est ma dernière. C'est presque la bonne nouvelle, 70%. Bruno Corbin, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Oh! Ça nous amène à la fin de 70%. On remercie infiniment Pascal Lamoureux-Miron. Nos amis les techniciens, ce soir, il y en avait une foisson. On est en train de passer le relais. Alexandre Larocque et Stéphane Mallette en figure de proue. Il y en a plein de nouveaux. Là. Nathan, Caro, il y a Marianne, il y a Chose. Chose, c'est mon préféré. Ça a l'air de rien de même. Là, mais... Et sinon, ben, merci beaucoup à vous, cher public, d'avoir été là. Dans quelques instants, on va baisser l'écran. On va passer à des clips de nos amis Sirion. On vous invite à aller suivre Sirion, Phil et Étienne. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Tommy. Ah ouais, mais non, merci. Prends-les, t'as incroyable. Hein? À partir de maintenant, il va y avoir des clips. On sort les projectiles. Merci à vous. Let's go. On part. J'ai du sperre en chanson. Une chanson que j'ai écrite avec Iggy Pop 74, ça s'appelle J'ai vu Jésus dans le centre d'achat. J'ai vu Jésus dans le centre d'achat. Il se magasinait une croix en bois. Tout le monde regardait, c'était une star. Des enfants se frottaient contre son peignoir. J'ai vu Jésus dans le centre d'achat. J'ai vu multiplier les cheeseburgers dans le food court près du Lafleur. All dress complet, maillot et moutard. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. J'ai vu Jésus dans le centre d'achat. J'ai vu Jésus dans le centre d'achat. J'ai vu Jésus dans le centre d'achat. J'ai vu une main d'applaudissement général pour Alex Larocque, Steph Mallette et Brad Clunet. Maintenant. Merci, vous êtes cool. À bientôt. Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Et bonsoir tout le monde! Bienvenue à cet encan de douteux qui est très important parce que je rappelle que ici on a des archiveurs et pour faire de l'archivage, ça prend des disques durs externes. Et pour avoir des disques durs externes, ça prend de l'argent. Alors on a plein de gogos à vous vendre. Dans le but. On commence en force, Tommy? Alors, premièrement, pour vous extirper de l'argent, nous avons les 101 façons. Les 101 façons de préparer de la viande hachée. Alors, est-ce que j'ai $1 pour comment préparer de la viande hachée? Alors, j'ai $1. $2 pour préparer de la viande hachée. $3. Tommy, est-ce qu'on peut avoir un extrait? Galette de bœuf haché gratiné. Bien mélanger le bœuf haché, la sauce barbecue, l'oignon, le sel, le poivre et façonner des galettes de 1 pouce d'épaisseur en pouces. Hein? Tu vois que c'est évolué. Puis les faire griller à 4 pouces de la chaleur, 6 ou 8 minutes de chaque côté. Donc, j'ai $4. Alors, $4 ici. Est-ce que j'ai mieux? $5 pour comment faire cuire de la viande. Non, non, mais à la maison, je sais que vous écoutez des vidéos YouTube, mais ce n'est pas pareil. On parle de quelque chose qui a été écrit sur des arbres morts. Eh, hey, mon Dieu, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a l'air d'avoir été ajouté. Je crois que c'est soit une erreur qu'il y avait dans le livre, donc c'est une édition avec erreur, avec un papier corrigé. Allez voir sur eBay, ça vaut potentiellement très cher. Une recette de pain de viande froide. On la met à sa place. Alors, j'ai 5 $ toujours. Est-ce que j'ai plus? Alors, 5... non, moi non plus. Alors, 5 $ une fois. 5 $ deux fois pour de la viande hachée. 5 $ trois fois vendu. Tu nous en donneras des nouvelles. Alors, on me dit que toujours dans le but d'avoir des médias qui ne sont pas sur des disques durs externes, nous avons une pile de VHS. Alors, une pile de VHS, est-ce qu'il y a des classiques? Alors, on a Armageddon. Le film dans lequel les Américains décident d'envoyer... Ah, en tout cas, vous l'écouterez. C'est... On va être encore là demain. On a Batman, qui est un classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Spice World, le film officiel des Spice Girls. C'est assez, hein? Alors, est-ce que j'ai 1 $ pour une pile de VHS utile? 1 $ pour une pile de VHS. Est-ce que j'ai plus que 1 $? Je rappelle qu'il n'y a pas seulement les 3 autres qu'on a nommés. Va-t-il falloir en nommer d'autres, Tommy? J'ai l'impression que c'est pas assez. Alors, j'ai 1 $ jusqu'à maintenant. On va sortir d'autres lapins du sac. 1 $. Oui, on a compris. Ça va très bien. Alors, on a aussi les activités créatives. Tommy, on essaye de faire des sous. Alors, on a Sur la Terre des dinosaures réalisé par Tim Haines. Un reportage de la BBC. C'est les épisodes 4 à 6. Il n'y en a aucun sur YouTube. Hein? Ça s'appelle On the Earth of Dinosaurs VF. C'est vraiment pas pareil. Alors, on a 1 $ toujours. Est-ce qu'on m'offre plus que 1 $ pour une pile de VHS? OK, on rajoute ces deux-là. 1,25. On rajoute... OK, on est à 1,25. On a... The Best of the Simpsons. Encore une fois, pas trouvable sur YouTube. Ainsi que les Backstreet Boys live en concert. Backstreet Boys, Spice Girl, Simpsons. Est-ce que j'ai plus que 1,25 $? 2 $ de Pascal. Alors, 2 $ une fois. 2 $ deux fois. 2 $ trois fois vendu. On les lance sur le plancher. On poursuit. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Oh! Non, non. Je sais pas si ça vaut plus cher si on le teste pas avant, trop tard. Alors, on a un masseur de tête. Ça, c'est un truc qui fait des miracles. Surtout... Alors, est-ce que j'ai 1 $ pour un masseur de tête? Très fort. 2 $. 3 $ pour un masseur de tête. Est-ce que j'ai plus que 3 $ pour... 5 $ pour changer ta vie. Est-ce que j'ai plus que 5 $ pour changer ta vie? Je te le dis, hein, no homo, tu demandes à un de tes amis à la table de le faire pour toi. C'est encore meilleur que quand tu te le fais à toi. J'en ai un à la maison. Oui, c'est correct. On est à l'aise dans notre sexualité. Alors, j'ai 5 $ une fois. 5 $ deux fois. 5 $ trois fois vendu. Alors, on est rendu à au clou de la soirée. On a la peinture de Pacou. Est-ce que tu peux nous expliquer ton œuvre, s'il te plaît? Ben, c'est la super licorne. C'est genre version licorne de Superman. C'est une super licorne. Explose! Pas tant, ouais. Puis je prends les virements Interact par email. E-Interact. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pas tant de descriptions. Excellent. Et je tiens à préciser que j'ai déjà acheté une peinture de Pacou et depuis, j'ai ramené des filles à la maison. Alors, est-ce que j'ai 20$ pour une licorne super-héros? 20$ au fond. 25. 27. 30. 30. 40$ pour une licorne. Est-ce que j'ai plus que 40$ pour une licorne super-héros qui te fera ramener des filles ou peu importe ce que tu veux à la maison? Pardon? 45$! Est-ce que j'ai plus que 45$ pour une licorne? Alors, 45$ une fois. T'as raison. C'est super licorne et on a expliqué tantôt que ce n'était pas un être humain avec un déguisement de tête de cheval. On parle d'une licorne polymorphique. Vous avez utilisé des mots elfiques tantôt pour l'expliquer. Anthropomorphe. Bref, on est à 45$ une fois. 45$ deux fois. 45$ trois fois vendu. Merci, Tommy. Ça brille. Alors, merci à tous d'avoir contribué à l'achat de ces disques durs externes. Et c'est maintenant au tour de Tommy de nous présenter le film, je crois. Monsieur Tommy Godette. Merci, Guiz de Passamier, mesdames, messieurs. Merci, Guiz. T'es tellement rafraîchissant. T'es comme une brise, sauf que t'existes. Hey, checkez, nous autres, à la base, là, c'est sûr qu'on vient de vous donner 4 heures de gros fun noir avec aucun ticket au bout. Mais là, c'est là la paye. Ce qu'on demande de vous autres, là, c'est un minimum d'attention pour ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est un long métrage de 1987. C'est difficile d'en parler sans spoiler quelque chose parce qu'il n'y a rien à spoiler. Donc, dès que j'en parle, il n'y a plus de surprise. Il y a 3 fins différentes au film qu'on va écouter. Ça s'appelle « La revanche des mortes vivantes ». Ma fin préférée, c'est celle que je vous montre à soi. On est autour de moins 8. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu « Il était une fois le diable » ici? Ouais! 3 fois! Il y a des gens qui sont des hardcore. Yeah! C'est un long métrage, c'est un petit peu comme le fromage bleu. La première fois que tu goûtes, c'est comme « Ouais! » C'est pas facile. Payez-vous la tournée de shooter. Focussez. Lancez des projectiles, discutez pourquoi que le lait était empoisonné. Il y a une espèce d'orgie à un moment donné, de viol, de décédé, de nécrophilie, genre c'est weird le film. Puis le punch de la fin, il est vraiment weird. C'est un long métrage unique. Puis nous autres, on le montre ici, là. Mais je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'autres places que vous allez avoir la chance de le voir dans le futur à part ça. Fait que, focussez un petit peu. Ça s'appelle « La revanche des mortes vivantes ». Il y a des mortes vivantes. Elles sont 3. Et il y a une des fins que c'est que dans le fond, il était même pas morte. Hey! Hey, spoiler! Même pas. En fait, je vais fermer ma gueule, on va l'écouter. Excusez. c'est un excellent long métrage, je suis très content. C'est le mois d'octobre qui commence. On y va dans l'horreur, nous aussi, parce que l'Halloween, c'est notre dernière protection contre Noël. Il faut rendre Halloween fort, parce que si Halloween croule, c'est Noël à l'année. Donc, ensemble, écoutez des films d'horreur, trouvez l'Orange Taxi et toutes ces affaires-là. On écoute un film de 1987 qui a été fait en France, en anglais, que les acteurs originaux ont doublé par-dessus après. On est cave, c'est pas grave. C'est correct. On écoute La Revanche des Mortes Vivantes. Et on est là lundi prochain. Et j'ai l'impression que ça va être l'excellent part 2 de Jack the Snowman. Là. On commence à mélanger Noël, puis là, ah, tabarnak que ça va bien ma vie. Là. Si tu t'ennuies, viens me jaser. On écoute un film, là. L'émission qui est comme du cacao, 70%. C'est très, très laxatif. Julien Carriveau à l'appareil. Vous êtes aussi inutile. Bon, j'ai pas de comparaison sur ça. Non, la fin, je comprends pas pourquoi. Moi, mes voisins, ils arrêtent pas, ils essaient, je sais pas, ils s'acharnent à vouloir que leur stationnement soit propre. Alors qu'on s'entend qu'un stationnement, c'est là pour quoi? C'est là pour stationner ton char qui a passé la journée à rouler dans de la poussière, dans des cadavres d'animaux morts, puis sur les mouchoirs de la tante Jocelyne qu'elle a jeté par la fenêtre, parce qu'elle aime pas ça, elle la voit ça des mouchoirs dans l'auto. J'suis en furie. Pour de vrai, ça sert à rien, c'est pas ta hausse qui va réussir à nettoyer ça. C'est comme si tu utilisais une débarbouillette pour laver le vagin d'une prostituée de Schelaga. Ça marche pas. Bon appétit à ceux qui mangent en effet. Sinon, j'ai récemment découvert que je suis bisexuel. En effet, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire dans la salle, ça veut dire que j'ai accepté que les gars et les filles veulent pas sortir avec moi. Donc, commence avec du positif. Sinon, je sais pas si je suis le seul, mais récemment, j'ai vu passer une joke sur Facebook qui va comme suit. En gros, c'est faire l'amour avec une fille qui a déjà eu un chum. C'est comme jouer sur la partie sauvegardée de quelqu'un d'autre. Moi, cette joke-là, elle me rend malaisé un petit peu. Premièrement, parce que moi, je pense qu'une femme, c'est pas un truc qui nous appartient. À un gars, je pense que t'sais, c'est pas une relation de « tu m'appartiens », c'est une relation de partage. Bon, ça, c'était le bout pour que je me fasse engager par Urbania. Puis... Mais deuxièmement, c'est parce que si on pousse la comparaison filles et jeux vidéo usagés plus loin, ça peut rapidement devenir malaisant. Tu sais, tu t'imagines, tu vas te promener au marché aux puces Saint-Eustache, là tu t'en vas proche du stand d'un Yvan, un peu grassouillet, un peu louche, puis là sur sa table tu vois une belle Véronique qui dit genre « Ouais, écoute, le cover il est un peu amoché, mais elle marche encore bien. » Fait que toi, tu l'achètes pour 15$, tu la ramènes chez toi, joues avec elle pendant 5 minutes avant de la mettre dans le coin de ta chambre. Là, à un moment donné, il y a ton ami qui vient chez vous, qui voit ta copie de ta Véronique sur le coin, puis qui se rappelle que lui, dans le temps, il a aussi joué avec une Véronique. Fait que là, il se dit « Hey, peux-tu m'en passer? » Fait que là, tu y passes, puis là, il joue pendant 5 minutes, puis après, il l'abandonne. Et là, ta Véronique, t'en revois juste 5 ans plus tard, quand tu vas déménager le même ami, où est-ce que t'en vois toute décalissé entre une boîte de cartes de hockey puis une copie DVD de Spider-Man 3. Puis là, à ce moment-là, tu dis, ben écoute, il n'y a qu'une seule chose bonne à faire. La vente sur Kijiji, la moitié du prix. En gros, si tu penses vraiment que ce joke-là, ça s'applique à la vie réelle, t'es soit un pimp, soit un psychopathe, puis dans n'importe quel des cas, je vais pas te passer mes jeux. Sinon, pour aller dans le plus personnel, j'ai récemment eu ma première fois avec une demoiselle. Voilà, voilà. Ouais, lui m'applaudit. C'est le visage, c'est ça. J'avais un visage assez vierge pour que ça mérite un applaudissement. Fuck you. Donc, Non, ce qui est drôle avec la première fois qu'on fait l'amour, c'est que... Tommy, tu diras que ton fil, il pogne dans les cassettes du stand. Écoute, c'est une histoire comme les autres. Non, ça, j'ai remarqué une affaire funny avec la première fois qu'on fait l'amour. C'est que c'est pas comme les autres premières fois, disons, où est-ce que t'as un diplôme important ou que t'as une nouvelle job. Parce que c'est pas le genre de première fois où est-ce que tu vas appeler tes parents tout de suite après l'avoir fait. Tu sais, je m'imagine mal, sors du lit, compose le numéro de ta mère, pis là, les gars, en tout cas, maman, écoute, je l'ai faite. T'as fait quoi, ta vaisselle, il était temps, Chris? Non, je veux dire, j'ai fait l'amour. Avec une fille? Avec une fille! Oui. Tu sais que ta main, ça compte pas. Je sais! Ben écoute, je sais pas quoi te dire, comment c'était. Ah, ça s'est bien passé, j'ai pas pleuré. Écoutez, moi, par exemple, ma première fois a été assez rough, mais il m'est arrivé une situation assez malaisante que je vais raconter ici parce que c'est quoi ça, avoir de la fierté. En gros, c'est une fille que j'ai rencontrée sur Tinder parce que moi, je cherchais des relations romantiques et sérieuses. Puis, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, on allait tout le temps chez sa mère. Et pour vous faire une idée du personnage, sa mère, c'est une... espèce de ma tante, vraiment grano et prude, OK? Cette femme-là, la dernière fois qu'elle a vu une graine, c'est au jardin botanique. Fait que là, on va chez elle, on fait l'activité. Oui, j'appelle ça l'activité, OK? C'est peut-être pour ça que je fous pas souvent. Bon. Puis là, après ça, je me dis, écoute, faudrait que j'aille aux toilettes. Le problème, c'est que entre sa chambre et les toilettes, il y a la chambre de sa mère. Fait que là, à ce moment-là, je me sens comme un soldat au Vietnam. Ou est-ce que chaque dalle sur le sol, c'est une mine qui peut me sauter à la gueule? Fait que là, j'avance. Tranquillement. Lentement. Puis là, soudainement... POW! T'as eu peur, hein? Vous avez eu peur dans la salle? Ouais, hein? Imaginez que j'ai eu la même réaction quand la porte a fait le même bruit. J'ouvre la porte, ça fait POW! La bonne femme se réveille. Et détail que j'avais oublié de préciser, j'étais complètement nu à ce moment-là. Parce que moi, je me suis dit... que c'était une bonne idée de me promener à poil dans la maison d'un inconnu. Comment ça peut mal aller? Fait que là, puis on s'entend que c'est difficile d'être diplomatique avec la potentielle belle-mère quand t'as la graine à l'air. Tu sais, c'est comme... comme première impression, c'est plus... Bonjour madame. Mon nom c'est Guillaume Pelletier. Votre gendre idéal. Fait que là, ce que je fais, je m'embarque dans la toilette. Puis là, je me dis, est-ce qu'il faut que... faut que je retourne dans la chambre de la fille puis que je dise ce qui se passe en ce moment. Puis là, en sortant, j'ai un eye contact avec la mère. Puis là, elle, on s'entend, tu sais, j'ai pas connu sa journée. Hein. Peut-être qu'elle vient de ressortir d'une journée de merde à la job, que son boss lui a chié dessus, puis que là, elle voulait juste dormir, avoir un petit moment pour elle. Et la première affaire qu'elle tombe, le pénis d'un inconnu. Voilà. Fait que là, moi, je me dis, écoute, faut que je dise au moins quelque chose, tu sais. Faut que je prouve que je suis pas une présence menaçante. Et je vous jure, et ça, c'est très vrai, OK? La seule chose que j'ai pensé à dire, c'est... désolé. Puis je suis parti. Je suis parti dans la chambre de la fille comme un trouillard. Puis là, ensuite, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Elle est allée dehors, s'engueuler avec sa mère. Puis à ce moment-là, j'étais tellement honteux. Mais je peux vous dire que malgré cette anecdote-là, malgré cette histoire-là, je fréquente encore cette fille-là. Je suis encore avec elle. On s'aime beaucoup. Puis non, c'est pas vrai, je vais plus jamais reparler après. Bonne soirée, douteux! Guillaume Pelletier, mesdames, messieurs. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.